Que savez de Ousmane Sonko du PASTEF? MB. Ousmane Sonko est un homme politique sénégalais, économiste et ancien inspecteur des impôts. Il est le leader du parti politique PASTEF, patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Sonko a gagné en notoriété en critiquant le gouvernement sénégalais, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles et la corruption. Depuis son ascension politique, il a été impliqué dans plusieurs controverses et accusations, notamment des accusations de viol, qui selon lui sont politiquement motivées. Sonko a également été un candidat à la présidence lors des élections de 2019, où il a obtenu un soutien considérable, surtout parmi les jeunes. Son travail et ses discours se centrent souvent sur la souveraineté économique du Sénégal, la justice sociale, et la lutte contre la corruption. Sa popularité et ses idées continuent d'influencer le paysage politique du Sénégal. Mistra, votre plan détaillé est déjà très structuré et couvre de manière exhaustive les aspects biographiques, politiques, économiques et idéologiques d'Ousmane Sonko. Voici quelques astérisques conseils méthodologiques et suggestions astérisques pour enrichir votre travail, en vous assurant que chaque partie repose sur des astérisques sources vérifiables et documentées astérisques, comme vous l'avez demandé. **1. Conseil pour la rédaction et la recherche **. **à utiliser des sources primaires et secondaires fiables **. Pour chaque chapitre, privilégié. **. Les discours et écrits de Sonko **. Ses livres, Pétrole et gaz au Sénégal, Solutions, ses interviews, RTB, BBC, Médias sénégalais, ses déclarations officielles. **. Les archives médiatiques **. Articles de presse, BBC Afrique, Jeune Afrique, CNews, Le Soleil, RFI, rapport d'ONG, Greenpeace, Transparency International, documents officiels, gouvernement sénégalais, Assemblée nationale. **. Les témoignages **. Interviews de militants du PASTEF, de pêcheurs, d'experts en économie ou en relations internationales. **. Exemple pour le chapitre 17, la pêche, **. Citez les **. Décrets officiels **. Sur l'interdiction des chalutiers chinois, mai 2024. Utilisez les **. Rapport de Greenpeace **. Sur la pêche illicite au Sénégal. Intégrez des **. Témoignages de pêcheurs **. Articles de CNews, Le Soleil. Mentionnez les **. Statistiques officielles **. Sur la reprise des stocks de poissons, ministère de la pêche. **. B. Croisez les sources pour éviter les biais **. **. Contrastez les points de vue **. Par exemple, pour le chapitre 16, la question monétaire, confrontez les déclarations de Sonko sur le franc CFA avec les analyses d'économistes, Banque mondiale, FMI, chercheurs africains. **. Vérifiez les données **. Pour les chiffres, licences de pêche, ressources pétrolières, toujours citez la source exacte, ministère, ONG, organisme international. **. C'est structuré chaque chapitre avec des encadrés sourcés **. Pour rendre le livre accessible et crédible. **. Encadré aux paroles de Sonko **. Extrait de ses discours ou interviews, avec la référence précise, date, lieu, média. **. Encadré aux témoignages **. Citation de pêcheurs, militants, ou experts. **. Encadré aux chiffres clés **. Données économiques ou sociales, avec la source, exemple, en 2024, 132 licences de pêche attribuées à des navires nationaux contre 19 à des étrangers aux sources, ministère de la pêche, mai 2024. **. 2. Suggestions pour approfondir certains chapitres **. **. Chapitre 17, le secteur de la pêche **. **. Ajouter une carte **. Des zones de pêche sénégalaises et des conflits avec la Mauritanie, source, rapport de l'ONU ou article de presse. **. Analyser l'impact économique **. Comparer les revenus des pêcheurs avant et après les réformes, données du ministère ou études universitaires. **. Citer les réactions internationales **. Déclaration des autorités chinoises ou européennes, exemple, protestation de l'UE contre les restrictions. **. Chapitre 13, le retrait des bases militaires françaises **. **. Utiliser les communiqués officiels **. Du gouvernement sénégalais et français, 2024 à 2025. Astérisque astérisque intégré des analyses géopolitiques astérisque astérisque, article de Jeune Afrique ou de chercheurs sur les conséquences régionales, exemple, impact sur le Sahel. Astérisque astérisque mentionner les réactions locales astérisque astérisque, manifestation pro-anti-retrait, position des partis politiques. Dies dies dies astérisque astérisque chapitre 20, la victoire de Bassirou Diomé Faye astérisque astérisque. Astérisque astérisque détailler le contexte électoral astérisque astérisque, résultats officiels de la présidentielle 2024, analyse des observateurs, UE, UA. Astérisque astérisque expliquer le tandem Faye-Sonko astérisque astérisque, interview des deux hommes, déclaration sur leur collaboration. Dies dies astérisque astérisque 3. Ressources pour les annexes astérisque astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque annexe 1, chronologie détaillée astérisque astérisque. Astérisque astérisque source astérisque astérisque, archives de la presse sénégalaise, CNews, Le Soleil, rapport DNG, sites officiels, présidence, Assemblée nationale. Astérisque astérisque exemple astérisque astérisque. Astérisque astérisque 2014 astérisque astérisque, création du PASTEF, source, statut du parti. Astérisque astérisque 2021 astérisque astérisque, affaire Adjissa, source, article de BBC Afrique, RFI. Astérisque astérisque 2024 astérisque astérisque, victoire de Diomé Faye, source, résultat de la CENI. Dies dies dies astérisque astérisque annexe 2, discours et texte majeur astérisque astérisque. Astérisque astérisque où les trouver astérisque astérisque. YouTube, chaîne officielle du PASTEF. Site d'information, CNews, Dakar Actu. Livre de Sonko, solution, pétrole et gaz au Sénégal. Dies dies dies astérisque astérisque annexe 3, document de référence astérisque astérisque. Astérisque astérisque licence de pêche astérisque astérisque, demander au ministère de la pêche ou consulter les rapports parlementaires. Astérisque astérisque accord Sénégal-Mauritanie astérisque astérisque, textes officiels publiés par les deux gouvernements. Dies dies astérisque astérisque 4. Bibliographie recommandée astérisque astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque source primaire astérisque astérisque. Astérisque astérisque Ousmane Sonko astérisque astérisque. Astérisque pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation astérisque, 2018. Astérisque solution astérisque, 2018. Discours à l'UCAD, 2023, interview à la RTB, 2024. Dies dies dies astérisque astérisque source secondaire astérisque astérisque. Astérisque astérisque livre astérisque astérisque. Astérisque le Sénégal sous Macky Sall astérisque, collectif, 2023. Astérisque la France-Afrique astérisque de François-Xavier Verschave. Astérisque astérisque article astérisque astérisque. BBC Afrique, Jeune Afrique, Le Monde Afrique, 2021 à 2025. Rapport de Greenpeace, Transparency International. Astérisque astérisque documentaire astérisque astérisque. Astérisque Sonko, l'homme qui défie le Sénégal astérisque, BBC, 2021. Astérisque la guerre du poisson astérisque, Arte, 2023. Dies dies astérisque astérisque 5. Méthode pour les interviews astérisque astérisque. Si vous souhaitez recueillir des témoignages. Astérisque astérisque pêcheur astérisque astérisque, contactez les syndicats de pêcheurs, exemple, GEP. Astérisque astérisque militant du PASTEF astérisque astérisque, via les sections locales ou la diaspora. Astérisque astérisque expert astérisque astérisque, universitaire, UCAD, Chekanta Diop, économiste, juriste. Dies dies astérisque astérisque 6. Exemple de citation sourcée, à intégrer dans votre livre, astérisque astérisque. Astérisque astérisque le Sénégal souffre d'un profond problème d'autorité. Astérisque astérisque. Ousmane Sonko, discours lors de l'installation du Conseil national du PASTEF, 10 juillet 2025. Astérisque source, BBC Afrique, 11 juillet 2025, https://www.bbc.com/afrique/article/cp86r47drvso fermez la parenthèse astérisque. Dies dies astérisque astérisque 7. Prochaines étapes astérisque astérisque. Astérisque astérisque commencer par les chapitres les plus documentés astérisque astérisque, exemple, la pêche, les bases militaires. Astérisque astérisque contacter des experts astérisque astérisque pour valider vos analyses.

et devient une figure incontournable de l'opposition. Son discours s'articule autour de la souveraineté économique du Sénégal, de la lutte contre la corruption et de l'égalité sociale. Les élections de 2019. Lors de l'élection présidentielle de 2019, Ousmane Sonko se présente contre le président sortant Macky Sall, où il obtient un score de près de 15%, consolidant ainsi son statut de leader de l'opposition. Son camp mobilise surtout les jeunes et une partie de la diaspora sénégalaise, qui voit en lui un porte-voix de leurs aspirations. Accusations et controverses. En 2021, Sonko est confronté à des accusations de viol qui sont largement perçues comme un stratagème politique pour le discréditer. Cette situation entraîne des manifestations violentes à Dakar et dans d'autres villes, révélant la division au sein de la société sénégalaise. Alliance et rupture avec Diomé Faye. Initialement, Sonko et Diomé Faye forment un front uni dans leur quête de changement lors des élections de 2024. Leur alliance conduit à une victoire notable aux législatives de novembre 2024. Cependant, des tensions commencent à émerger autour de la nomination d'Aminata Touré à la tête de la coalition au Diomé président en novembre 2025. Cette décision est perçue par Sonko et ses partisans comme une tentative de marginalisation, mettant en lumière les divergences entre les deux leaders. Position actuelle. En novembre 2025, la relation entre Sonko et Diomé Faye se détériore, nourrissant des spéculations sur l'avenir de leur coalition. Malgré les tensions, Sonko reste déterminé à défendre son rôle au sein du PASTEF et à maintenir le soutien de sa base militante et de la diaspora. Il continue de clamer qu'il ne démissionnera pas et qu'il est le garant du projet de refondation nationale au Sénégal. Cette biographie résume les grandes étapes de la carrière d'Ousmane Sonko et établit un contexte pour comprendre les tensions récentes avec Diomé Faye. N'hésitez pas à adapter ou à développer certaines sections selon vos besoins.